très tranquille ce matin dans le bulletin de sport local et régional. On va d'abord ouvrir le bulletin de sport local et régional avec en parlant que ça va être tranquille dans l'actualité, évidemment, en raison qu'on n'a pas été en mesure de faire des émissions hier, donc des podcasts, donc ça va être un petit peu plus relax. On va vous parler quand même de la formation de Laurent Guénard de Dolbeau-Missassi qui a perdu hier par la marque de 6-4 en Colombie-Britannique. Ils ont affronté l'Ontario. Aujourd'hui, l'équipe de Laurent va affronter l'Alberta. Comme à tous les mercredis, maintenant, je vais vous donner le classement POC sur le site internet classementpoc.com. Les Rapides de Dolbeau-Missassi sont maintenant au 13e rang. Les Hurricanes de Mastouillache au 17e rang et les Ambassadeurs de Chibougamo au 89e rang. Niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 1er rang et les Ambassadeurs de Chibougamo au 34e rang. Et au niveau junior, les Épaviers de Normandin sont au 30e rang et les Sabres de Robertval au 38e rang. Transaction majeure chez les Marquis de Jonquière, les Marquis qui ont fait une deuxième transaction en 3 jours. Ils ont d'abord obtenu le défenseur Vincent Richer, également l'homme fort Yves Girard et un choix de première ronde au prochain repêchage. Sinon, en retour, le défenseur Frédéric Saint-Denis, qui a déjà joué avec le Canadien de Montréal, Sébastien Laferrière et Michael Novos. Richer est considéré comme un défenseur à caractère offensif. Il a amassé 35 points l'an passé avec Trois-Rivières. Tant qu'à Girard, c'est un homme natif de Ferland-Boileau qui est considéré comme un homme fort. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.